et bienvenue sur Radio Dio 89.5. Si vous nous rejoignez en ce mercredi 8 novembre 2023, nous sommes le deuxième mercredi du mois et c'est le rendez-vous mensuel du GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois. Je précise que depuis la rentrée, la plage horaire des émissions du GREMOS a changé. Nous vous donnons désormais rendez-vous le deuxième mercredi de chaque mois à 17h. Sachez également que vous pouvez réécouter toutes les émissions du GREMOS sur le site de Radio Dio, dans l'onglet podcast, mais aussi sur le site du GREMOS. Pour cette nouvelle émission, nous accueillons Caroline Costil, historienne et médiatrice culturelle aux archives municipales de Saint-Étienne, et Kenya Sadoun, photographe documentaire. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Vous serez accompagné pendant cette émission par Jean-Michel Stenner, historien spécialiste de l'histoire sociale et ouvrière, qui va animer cette rencontre. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Karine. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour. Kenya. Eh bien, pour cette émission du GREMOS, deuxième émission de l'année 2023-2024, nous sommes en compagnie de nos partenaires des archives municipales, partenaires historiques du GREMOS. Et donc nous avons, comme l'a dit Karine à l'instant, invité Caroline et Kenya. Kenya Sadoun, on va tout de suite te demander de te présenter. Oui. Et ben, c'est ton parti. Parcours et voilà. Oui. Alors je suis Kenya Sadoun, je suis photographe. Je fais principalement du documentaire depuis 5 ou 6 ans. Des documentaires sociaux, environnementaux, sur le long terme. Et en parallèle, j'anime beaucoup d'ateliers photo inclusifs et participatifs avec différents publics, des publics issus de l'immigration, des personnes en foyer, voilà, des personnes de quartiers populaires. Voilà, l'idée, c'est de proposer des ateliers qui sont gratuits pour accompagner les personnes à écrire des histoires en photographie et à leur permettre de s'exprimer et juste une manière de leur donner la parole. Quoi. Tu peux expliquer aux auditeurs qu'est-ce qui t'a amené à la photographie, peut-être ton parcours peut-être scolaire, universitaire, oui. Éventuellement Moi, je me suis. Alors, mon père était photographe, donc j'ai baigné dedans tout en me disant que jamais je serais photographe. Jamais je galérerais comme il a galéré. Mais j'étais passionnée par la photo, passionnée par les procédés anciens, les premiers photographes, toutes les différentes techniques qui ont évolué. Donc, au début, je me suis orientée vers la préservation, la conservation. J'ai lamentablement raté mon concours à l'INP, donc l'Institut National du Patrimoine. Et puis j'ai continué à vouloir travailler avec des photographes, en montant des projets pour les exposer, pour les côtoyer. Je voulais surtout pas être photographe, j'avais trop d'admiration pour ces personnes, pour ce métier, et je considérais que j'avais pas ma place dedans. Et puis un jour j'ai constaté que je passais quand même 80% de mon temps à faire de la photo, donc ce serait peut-être intéressant de gagner sa vie de cette manière-là. Et donc j'ai fait la fac à Lyon de photo et cinéma, et à côté j'ai toujours travaillé comme éduc dans des structures d'accueil. J'avais besoin de cette partie sociale, et donc le fait d'animer des ateliers a permis de conjuguer les deux activités, la photo et la transmission, et voilà. Intéressant. Ton père était photographe de studio, de quartier, de... Non, de... comment dire, photographe... ouais, photographe artiste, auteur. Il photographiait des danseurs japonais. Il photographiait dans des foyers pour personnes en situation de handicap. Voilà. Il faisait le tirage de ses photographies. Ouais. Tu as appris donc oui. L'utilisation du matériel argentique. Ouais. D'accord. À 8 ans. Ah, ouais. Ouais, c'est une belle activité. Ouais. Alors, Caroline, Donc, comme l'a dit Karine, tu es maintenant à demeure aux archives municipales. Tout à fait. Tu es médiatrice, après avoir fait une brillante maîtrise d'histoire et même un DEA, si je me souviens bien. Et donc, tu travailles avec Kenya, puisque elle a été retenue pour une résidence dans le cadre d'un concours ou d'un appel à candidature. Voilà. Alors, explique-nous un petit peu, explique aux auditeurs en quoi ça consiste. Alors, cette année, les archives municipales ont décidé de se lancer dans une résidence avec un professionnel des médias et de l'information. Une résidence, eh bien, c'est le fait d'accueillir, pour le coup, une photographe, Kenya, pour un travail de création. Et ici, c'est un travail d'animation d'atelier avec des productions qui feront l'objet d'une exposition à la fin de cette résidence. Nous avons choisi de nous lancer dans une résidence cette année parce que les archives municipales et métropolitaines vont déménager. Et à partir de maintenant, nous ne ferons plus d'expositions temporaires dans nos locaux actuels. Donc c'est dans ce contexte-là que la résidence a été mise en place en partenariat avec les médiathèques municipales. Donc pour cette résidence, on le disait, on a lancé un appel à candidature en mars dernier. Nous avons reçu 4 candidatures. Nous avons rencontré les quatre candidats, et puis fait une sélection. Et c'est Kenya qui a été retenue. La résidence a été lancée le 5 octobre dernier. Et pour l'instant, on est dans la phase de prise de contact avec les structures avec qui nous allons travailler. Et c'est une phase qui se termine, puisque les ateliers ont commencé. Hein. La résidence va s'étaler du mois de novembre 2023 au mois de mars 2024. Et la fin de la résidence va correspondre avec la semaine de la presse du 18 au 23 mars 2024, avec une restitution des ateliers à la médiathèque de Tarentaise. Bien. Voilà. Cette résidence, elle est plus particulièrement orientée, on va interroger plus à fond Kenya tout à l'heure, sur un certain fonds photographique que vous possédez aux archives municipales. Alors, en effet, l'objectif de cette résidence, eh bien, c'était de valoriser un fonds iconographique, celui de la tribune Le Progrès, qui est conservé aux archives depuis les années 80 et qui va être, le temps de cette résidence, utilisé comme un outil de médiation, puisque les photos vont être analysées. L'idée, eh bien, c'est d'analyser ces images d'archives, pardon, pour apprendre à analyser des images d'actualité et comprendre le rôle et la place d'un photographe de presse avec sa subjectivité et comment se faire une opinion à partir de ces l'image. Photos. Voilà. Une opinion critique. Si ouais, possible. On va demander à Kenya de nous en dire plus. Et le contenu de ce fonds alors ? Alors, le contenu, c'est donc le fonds SISFI de la tribune, qui comprend 14 000 clichés, qui sont en fait des tirages papier. Nous n'avons que des tirages papier, qui sont presque exclusivement en noir et blanc. Ils ont été numérisés. Ils sont en partie accessibles sur le site internet des archives municipales et métropolitaines. Ce fonds, eh bien, il concerne la période 1972-1995. Et il est entré aux archives dans les années 80 jusqu'en 1995 de manière échelonnée. Voilà. Pardon. Non, ça pose la question de, justement, une question qui m'intéresse particulièrement, la conservation des archives des photographes de presse. On a travaillé sur le Ponce. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe au Progrès ou bien c'est comme ça, par hasard, que vous avez récupéré ce fonds ? Alors pour le coup, c'est plutôt le fait du hasard. Mmh. Hein. Pour l'instant, nous n'avons que cette période 72-95 et on compte sur la résidence pour inciter le journal La Tribune, Le Progrès de Saint-Étienne, a nous cédé bien la suite de ce fonds, puisque c'est une richesse inestimable pour les historiens, pour les chercheurs, pour tout le public finalement, puisque ce fonds aborde des thèmes très variés comme l'évolution sociale, l'évolution sociétale, les luttes sociales, l'actualité sportive bien sûr, l'actualité culturelle et artistique, et puis on retrouve évidemment les marronniers comme la rentrée des classes, Noël. L'actualité voilà. politique aussi, l'actualité j'imagine. Politique, évidemment. Mmh. Tout ce qui fait la vie de la cité, et même au-delà, puisque ce n'est pas Saint-Étienne intramuros, si je puis dire, mais vraiment oui, Saint-Étienne et la Couronne qui sont... Vallée de Londaine, Vallée du Gier, Plaine du Forez. Ça peut aller jusqu'à la Plaine du Forez. Ça dépend vraiment de... C'est très, très aléatoire. On ne peut pas se dire qu'on va retrouver à chaque année un article... Oui. Je ne sais pas, sur la fête de la Fourme, ou je dis n'importe quoi, mais... Oui, donc ce qui est remarquable, c'est qu'il n'y a pas un service d'archives vraiment organisé par le service de la Tribune des Progrès. A priori, non. D'après ce que vous m'avez dit, tous les deux, alors, on en reparlera plus tôt, mais c'est plutôt en fonction de ce que les photographes eux-mêmes ont laissé. C'est ça. Ouais. C'est ça. La particularité de ce fonds, en effet, c'est qu'il y a plusieurs photographes. Contrairement au fonds Le Ponce que tu connais bien, Jean-Michel. Oui, mais c'était aussi un fonds de photographes. Oui, mais pour le coup, comme nous conservons le fonds Le Ponce, ce ne sont que des photos de Le Ponce. Dans le fond, la Tribune, ce sont des photos de plusieurs photographes ayant travaillé pour la Tribune. Moi, je pose cette question en tant qu'historien, parce que c'est vrai que le problème des archives d'entreprises, alors en particulier des entreprises de presse, c'est un sérieux problème pour nous, pour trouver des sources qui soient fiables et qui soient complètes. Justement, la Tribune, j'en dis quelques mots peut-être, l'histoire de la Tribune, journal fondé par Louis Soulier et Louis Comte, et j'oubliais Ginsburger, en 1899, en pleine affaire Dreyfus. Donc, journal qui se situe dans la mouvance de la gauche républicaine, défense des droits de l'homme. Louis Soulier était membre de fondateur de la Ligue des droits de l'homme sur Saint-Étienne. Et la Tribune républicaine est un journal qui a quand même été très important avant la guerre de 14 et pendant l'entre-deux-guerres, puisqu'il couvrait plus d'une vingtaine de départements. Hein, c'était presque l'équivalent de la Dépêche du Midi de Toulouse. Donc un journal quotidien très important qui a disparu en 1944 pour des raisons liées un peu à la guerre, même si... les journalistes de la Tribune n'avaient pas démérité dans cette affaire, mais peu importe, et qui réapparaît en 1950, mais pas du tout avec la même énergie qui existait dans l'entre-deux-guerres, et qui va petit à petit péricliter. Et se rapprocher du progrès. Jusqu'à être, oui, rapproché, disons, à être racheté par l'ennemi lyonnais, qui était le progrès. Hein. Et donc en 1963... Alors, effectivement, ce qui pose problème, tu l'as dit, c'est que la période, c'est 72-95. C'est ça. Donc, il y a des lacunes. On a des lacunes. Bon, on va interroger Kenya dans quelques minutes, après avoir fait une première pause musicale. Karine. Si la photo est bonne... Juste en deuxième colonne, il y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, il y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne. Pour se mettre la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne. La populaire d'un assassin que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant. De voir tomber des têtes, à la fin ça m'empête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant. Quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme. Ce fils de rien, ce tout est pire. Cette crapule au tout sourire. Ce grand gars au cœur tendre qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir de la France contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste. Que la justice fasse le reste. Surtout qu'il soit fidèle. Surtout je vous rappelle à l'image de son portrait qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon. Qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne. Si la photo est bonne. Si la photo est bonne. Eh bien, espérons que la photo a été bonne. En tout cas, la chanson est tout à fait délicieuse à entendre. Et nous sommes donc sur l'émission du Grémos le 8 novembre 2023 sur Radio Dio 89.5 avec Kenya Sadoun et Caroline Costil des archives municipales. Donc nous sommes là surtout pour interroger Kenya qui est en résidence, photographe en résidence, qui travaille avec le service des archives municipales et la médiathèque. Alors Kenya, après cette première phase de présentation, tu vas nous expliquer un petit peu le projet, comment tu as pris connaissance du fonds et quels sont les grands axes de du projet que tu as présenté pour finalement décrocher cette résidence. Oui. Et ben déjà, pour la candidature, j'ai commencé à farfouiller un peu dans les images qui étaient accessibles en ligne. Donc il y en a un peu moins de 5000. C'est déjà pas mal. Ça permettait déjà de jeter un coup d'œil, d'avoir une vision globale de ce que j'allais pouvoir trouver. J'avoue être sortie de mon entretien de candidature en étant persuadée que ça n'avait pas du tout marché. Donc j'avais vraiment envisagé ma vie autrement à partir de ce moment-là. Donc j'étais un peu surprise d'avoir été choisie. Mais alors par contre, dès que ça avait été validé, il a fallu se replonger dans le fond et de manière beaucoup plus sérieuse. Donc de regarder chacune des images déjà en ligne. Donc j'ai fait les 4000 et quelques images en ligne pour un peu récupérer des images qui pourraient être intéressantes, qui pourraient être utilisées pour la résidence. Et puis ensuite, il en reste 10 000 que j'ai pas du tout terminé de regarder aux archives. Parce qu'il fait 12 degrés en plus là-bas. Ah. Prendre des gants et une moumoute. Ouais. Et donc le projet de résidence, donc c'est de proposer des ateliers d'éducation aux médias et à l'information pour différents groupes. Donc j'ai à la fois des scolaires qui vont du primaire au collège jusqu'au lycée. Des centres sociaux et un foyer un tiers-lieu à Saint-Chamond qui propose de faire du lien entre des personnes issues de l'immigration et les personnes du quartier. Donc c'est vraiment c'est l'équivalent d'un centre social beaucoup plus petit, quoi. Donc j'ai beaucoup plus que trois groupes. Bon, bref, j'ai beaucoup de groupes différents. J'ai une dizaine de groupes différents avec des thématiques complètement différentes qui seront abordées. Cette semaine, on a commencé l'atelier avec une classe Ulysse. Donc, c'est des classes pour en général des décrocheurs scolaires ou des élèves qui sont en situation de handicap. Là, entre autres, c'est des décrocheurs scolaires. Donc, c'est des élèves hyper pertinents, mais qui n'adhèrent pas du tout au système classique. Donc, c'est une toute petite classe et c'est hyper vif, hyper intéressant. Ils sont très, très réceptifs. Dans quelle école ? C'est le collège de Terre-Noire. D'accord. C'est des grands collégiens. C'est des collégiens, d'accord. Ouais. Voilà, je vais aussi avoir un atelier avec des beaucoup plus petits, des CM2, CM1, CM2, où là, ouais, voilà, les projets, ils seront complètement différents d'un groupe à l'autre. Donc, est-ce que tu veux que je détaille les différents projets qui sont envisagés. On pourrait peut-être, oui, par exemple, le projet avec l'ULIS, ouais. Parce que c'est intéressant, oui, de ouais. voir avec ces élèves décrocheurs, d'essayer de les raccrocher avec des méthodes oui. qui ne sont pas scolaires classiques. Oui, et ben, alors pour c'est un peu particulier cette classe-là, parce qu'elle n'était pas du tout prévue à la base. C'est une classe qui avait déjà un projet. Donc, ils ont, durant toute l'année, ils ont différents enseignants qui interviennent sur 5 séances. Donc, moi, j'interviens sur 5 séances avec une enseignante d'histoire-géo pour créer un podcast. Ouais. Leur thème de l'année, c'est l'environnement. Donc, moi, j'ai comme mission d'essayer de raccrocher des images d'archives sur le thème de l'environnement. Mais alors, il y en a. On a beau être dans les années 70, on en parlait Bien sûr. Depuis longtemps. Donc, tu peux témoigner. Oui. Mais t'as eu quelque chose de précis ouais. dans le... Il y a des images de lutte, il y a des images de ce qui se passe sur les cultures, il y a énormément de choses possibles. Et puis il y a des images qui vont pouvoir être utilisées aussi... pour réfléchir à l'impact que ça pourrait avoir aujourd'hui, ce qu'on faisait à l'époque, etc. Oui, oui. Voilà, l'idée, c'est de les faire manipuler au maximum, donc de leur donner des micros, de leur faire faire des recherches, à la fois sur les images d'archives, à la fois sur des articles actuels. Le but, c'est... Et ils en sont déjà conscients, en fait. Ils sont déjà vraiment très pertinents par rapport à tout ça. C'est de leur... Alors, ils le savent, ils le font pas, mais ils le savent. C'est de leur faire vérifier les sources. Voilà. C'est de pas gober tout ce qu'ils voient passer sur leur téléphone et de vérifier les personnes qui leur donnent des informations. Ils font confiance à des stars, à des joueurs de foot, à des personnalités, voilà, sans vérifier... sans vérifier si c'est pas complètement stupide ce qu'il est en train de dire, quoi. Donc, ils sont au courant, mais ils le font pas forcément. Donc voilà, c'est toute la... En tout cas, pour ce groupe-là, ce sera toute la mission, ce sera de les faire un peu... en tout cas, de planter une petite graine, de les faire un peu réfléchir la prochaine fois qu'ils verront passer des informations, de se dire peut-être qu'il dit complètement n'importe quoi, ou oui, c'est bon, je sais qu'il assure, je peux lui faire confiance, quoi. D'accord. Les contacts sont pris aussi avec des élèves, des professeurs de lycée ? Oui. Un lycée, c'est le lycée Sainte-Marie. Lycée pro, c'est une classe de seconde pro photo, qui ont d'ailleurs comme intervenant un photographe du progrès. Et donc avec eux... Alors, ça n'a pas du tout commencé, ça commencera beaucoup plus tard. Et j'ai une approche d'éducation populaire, ce qui fait que je prévois très peu en amont le projet qu'on va faire ensemble, de manière à leur laisser la possibilité de s'emparer vraiment du projet et d'être complètement acteur de ce qu'on va faire. Moi, mon rôle, ça va être d'être un peu médiatrice et de leur apporter des connaissances et des outils pour éveiller leur sens critique, pour vérifier les sources, pour lire une image correctement, contextualiser, lire une légende, etc. Donc moi, j'ai des petits ateliers qui permettent ça, mais l'idée, c'est que chaque groupe va pouvoir créer un média à la fin. Durant toutes les séances, on va créer un média. Mais ça, c'est eux qui vont le décider. C'est eux qui vont... moi je vais leur présenter des images, des archives, je vais leur présenter des thèmes possibles. C'est eux qui vont s'emparer du projet, qui vont dire bah, nous on a envie de faire un journal tous ensemble, il y aura dans la classe une équipe qui sera rédacteur, une équipe qui sera photographe, une équipe qui sera dessinateur, etc. Ou non, nous on veut juste faire chacun notre projet de notre côté, du coup on veut travailler sur ce sujet-là et sur ce thème-là. Et donc après on voit comment on fait. Donc il y a possibilité de créer un journal, il y a possibilité de réaliser un reportage photo, un faux reportage photo. Avec des primaires, on va travailler sur le polar. Donc moi, je vais leur présenter des images avec lesquelles ils vont devoir écrire une histoire. Une histoire avec du suspense, etc. Donc ils vont devoir écrire des légendes qui correspondent aux images et leur faire, par ce biais-là, leur faire comprendre qu'une image, elle raconte énormément de choses, et elle peut raconter tout ce qu'on veut sans que ce soit la réalité. Donc c'est les faire pratiquer, les faire créer quelque chose tout en leur donnant des clés pour avancer sur ces réflexions de médias, d'informations en général, quoi. D'accord. Il y a des séances qui sont prévues aux archives municipales Oui, pour chaque groupe, il y a... Caroline, tu peux expliquer. Il y a une séance. Oui, alors en effet, avec Kenya, on a calé pour chacun des groupes une séance aux archives municipales parce qu'il nous semblait intéressant que chacun des groupes puisse voir le fond. Ils vont visiter la pièce à 12 degrés. On va leur faire visiter le dépôt. Ouais. Effectivement, on conserve les photos dans un frigo à 12 degrés et à 35% d'hygrométrie. Mais ça, c'est pour qu'on puisse les voir plus tard. Donc oui, leur faire visiter les lieux, leur montrer les photos. Et puis, on fera sur place un petit atelier aussi qu'on va définir au coup par coup avec Kenya en fonction de chaque groupe. C'est eux qui vont choisir les clichés ou c'est vous qui leur présentez les clichés? Parce qu'ils ne peuvent pas consulter les 5000 ou non. Les 15 000 photographies. Non. Ça. Ouais. Ça dépendra des groupes. Par exemple, pour les primaires, on aura déjà une sélection d'images en amont qu'on va leur présenter. Donc, ils pourront voir ces images en vrai. Et puis après, ça dépendra des projets de chacun, quoi. Et tu as parlé d'un travail avec un tiers-lieu à Saint-Chamond. Oui. Alors, ça s'appelle La Boussole. Ouais, alors, un tiers-lieu, c'est... En tout cas, ils appellent ça comme ça. C'est comme un petit local de quartier où ils essayent de faire en sorte de créer du lien entre les différents habitants et notamment des personnes qui sont hébergées, des personnes issues de l'immigration qui sont hébergées en foyer d'accueil. Donc, on essaie de créer du lien entre toutes ces personnes-là, sachant que c'est des gens qui ne fréquentent pas les centres sociaux et les MJC. Voilà, donc ça c'est ce lieu-là, à Saint-Chamond, et en parallèle, j'aurai un atelier aussi dans un centre social de Saint-Chamond. Et j'ai oublié le quartier. C'est le centre social de La Vieux à Saint-Chamond. Merci. J'ai essayé de faire du lien entre les deux pour justement ouvrir. Ces personnes issues d'immigration, elles parlent pas encore le français, En général, si, mais si elles parlent pas français, c'est pas un problème du tout. Non, mais la photographie peut être un moyen d'aider. Ouais, totalement. Eh bien, on va peut-être faire une seconde pause musicale puisque on va demander à Karine si. Vibes and your loudest. Mauvaise nouvelle, j'entends des fausses nouvelles, mais c'est. Mauvaise nouvelle, j'entends des fausses nouvelles. Give me sound, give me vibes. À chaque fois ça m'épate, quand on me dit que la terre est plate, je suis devenu mythomaniaque sur le coup des fake news, fake news. Avec tout ce qu'on avale, tous les mensonges qu'on nous déballe, je suis devenu paranoïaque sur le coup des fake news, fake news. Le vrai, le faux se mélange, plus c'est gros, plus j'y crois. Y'en a beaucoup que ça arrange, qu'on gomme n'importe quoi. La rumeur s'emballe et tous les mots deviennent des balles. Vite, il faut que je m'échappe de toutes ces fake news. Fake news, wow, pourquoi fait-il chaud? Pur de rester sceptique quand on bronze l'hiver à Oslo. We don't know, y a-t-il un complot? Tout scientifique quand on lit les réseaux sociaux. Wow, même c'est des salles là-haut. Mon fil est la grippe, mais je crois que je deviens trop parano. We don't know, que ça soit vrai ou faux. Où devient la vérité quand tout le monde reprend les mêmes mots? Tell me now, a-t-on touché la lune qui détient les fortunes et qui manie la plume pour nous le raconter? Qui devrait faire la une qui détient les tribunes, qui profite des lacunes pour tout réinventer? Et c'est par naïveté qu'on s'emballe sans détail, on cavale sans même vérifier. Et sans se questionner, ce que l'on monte se démonte à l'encontre de la vérité. Chaque fois ça m'épate quand on me dit que la terre est plate. Je suis devenu mythomaniaque sur le coup des fake news, fake news. Avec tout ce qu'on avale, tous les mensonges qu'on nous déballe. Je suis devenu paranoïaque sur le coup des fake news, fake news. Le vrai, le faux se mélange, plus c'est gros, plus j'y crois. Y'en a beaucoup, ça arrange, qu'on gomme n'importe quoi. La rumeur s'emballe et tous les mots deviennent des balles. Vite, il faut que je m'échappe de toutes ces fake news, fake news. Les événements sont mis en scène comme une série télé, et tous les délires deviennent réels, et tout est emmêlé. Souvent je préfère croire que les réponses viennent du ciel, et j'ai goûté la pilule offerte si j'ai tout retracé. On a vu des lézards prendre le pouvoir, on a vu des rockstars morts ressuscités. Chacun prend sa part et écrit l'histoire, et c'est l'esprit critique qui vient de s'effacer. J'ai des voix dans la tête, comme à chaque fois je répète ce que j'ai lu, ce qu'on me dit dans mon oreillette. Maintenant je les rejette et check tout ce qui m'inquiète. Ce que j'ai vu, ce que je lis, dise mon intellect. La vérité change dans l'air du temps. Suis le courant le plus dominant. Tu vois l'info partout, mais pourtant douter de tout, c'est tout ce qu'on apprend. A chaque fois ça m'épate quand on me dit que la terre est plate. Je suis devenu mythomaniaque sur le coup des fake news, fake news. Avec tout ce qu'on avale, tous les mensonges qu'on nous déballe. Je suis devenu paranoïaque sur le coup des fake news, fake news. Le vrai, le faux se mélange, plus c'est gros, plus j'y crois. Y'en a beaucoup que ça arrange, qu'on gomme n'importe quoi. La rumeur s'emballe et tous les mots deviennent des balles. Vite, il faut que je m'échappe de toutes ces fake news, fake news. A chaque fois ça m'épate, quand on me dit que la terre est plate. Tous devenus mythomaniaques sur le coup des fake news, fake news. Avec tout ce qu'on avale, tous les mensonges qu'on nous déballe. Tous devenus paranoïaques sur le coup des fake news, fake news. Dès le préau, ce qu'on échange, plus c'est gros, plus t'es croix. Le vrai, le faux se mélange, puis je me dis pourquoi pas. Y'en a certains que ça arrange, qu'on gobe n'importe quoi. Laisse-moi savoir pour qui c'est good, c'est bad news. Good news, bad news. Give me one, give me two, give me vibes and you like this. Bad news, fake news. Mauvaise nouvelle, je n'entends que des fausses nouvelles, mais c'est. Give me one, give me vibes, give me sound. Sur Radio Dio, fake news. Donc, on est dans le projet, enfin une partie du projet que, oui. de ta résidence. On y revient tout de suite. J'ai juste posé une question à Caroline à propos donc de. Les archives municipales qui créent une résidence et qui font travailler la personne invitée à Saint-Chamond. C'est un peu étonnant quand même. C'est pas si étonnant que ça, puisque depuis l'année dernière, nous sommes les archives municipales et métropolitaines de Saint-Étienne. Oui, bien sûr. Donc ça nous semblait intéressant, pour une fois, et pas la dernière, d'aller jusqu'à Saint-Chamond. Archives métropolitaines qui s'étendent donc sur l'ensemble des 53 communes de la métropole. Et qui vont, puisque tu as évoqué tout à l'heure, s'installer prochainement, très prochainement, dans le nouveau centre de. Dans le nouveau pôle patrimoine. Pôle patrimoine de l'avenue Émile Loubet. Tout à fait. Voilà. Et donc, Saint-Chamond, il y a aussi Kenya. Je ne suis pas trompé. Non, c'est parfait. Précis. Il y a aussi donc, le centre de Solor. Donc, oui. Un quartier assez intéressant, emblématique de l'histoire ouvrière de Saint-Étienne. Donc, tu as déjà pris un peu des contacts, tu as visité le quartier, tu as pris un peu la température. Le quartier en total changement, total modification du paysage. Ils sont en train de tout refaire. Oui, c'est des ateliers qui auront lieu beaucoup plus tard, donc en janvier-février. Et c'est un atelier qui sera intéressant du point de vue mixité des publics. Donc je vais avoir deux groupes, un groupe de mamans, c'est le café parents, donc c'est principalement des mamans qui viennent après avoir déposé les enfants à l'école. Et un groupe d'ados. c'est des créneaux où on leur laisse la possibilité de venir et de parler de sujets qui les intéressent. Et donc moi, j'ai calé 8 séances avec chacun pour aborder ces questions-là. Donc ce sera assez large parce que avec ces groupes-là, surtout avec les mamans, ça permet aussi de traiter des questions de hameçonnage, par exemple, sur Internet. J'entends des histoires en permanence de ces personnes qui reçoivent, beaucoup de personnes qui reçoivent ces mails des mails frauduleux et qui cliquent et qui payent sans vraiment se poser la question. Il y a du lien, hein. C'est se renseigner, être éveillé, être au courant de ce qui se passe, écouter, s'informer. Et en fait, sans ça, on est crédule et on se fait avoir, quoi. Et donc, par rapport au fond photographique, comment tu envisages de travailler pour leur faire comprendre ce que c'est que l'hameçonnage ? Eh bien ça, je ne sais pas encore. D'accord. Je ne sais pas encore. Et encore une fois, moi, j'interviens au départ avec des ateliers où j'utilise des archives, les photos des archives. Et ensuite, on voit comment ça avance. On voit comment les personnes sont réceptives, on voit ce qu'elles ont envie de faire, on voit comment elles réagissent. Et ça rebondit tout seul, en fait. Ça se met en place tout seul. Et en général, c'est assez logique. D'accord. Donc, moi, quand même, en tant qu'historien, je m'intéresse à la façon dont tu as pu appréhender ce fond. Est-ce qu'il y a des photographies qui t'ont particulièrement marqué ? Est-ce que tu pourrais nous en évoquer quelques-unes, développer peut-être sur... Oui. Alors, il y a énormément de photographies de lutte, ouvrière, de lutte sociale, de manifestations, de grèves. Et alors, c'est des thèmes qui sont 100% actuels. Donc, c'est des sujets, c'est exactement les mêmes sujets qu'on soit dans les années 70 ou en 2023. On va avoir des photographies de revendications de libération de la Palestine. On va avoir des demandes de logements décents, d'augmentation des salaires parce que les populations n'ont pas les moyens de se nourrir. Donc c'est exactement les mêmes problématiques et les images sont assez fortes. Donc ça fait partie des images que je vais vraiment mettre en avant et utiliser sur certains groupes que je vais faire travailler sur les luttes sociales, je pense. Et il y a aussi des images complètement improbables d'ovnis dans le ciel, dont le nuage forme à la forme d'une soucoupe volante, et qui est annoncé comme voilà, il y a un ovni à Saint-Étienne, ça a été repéré, c'est juste un nuage. Il y a beaucoup d'images de faits divers, de braquages, qui sont assez qui sont vraiment tout droit sortis de films noirs des années 70, quoi. Des drames familiaux aussi. J'en ai pas vu beaucoup. Ouais. Alors, il me reste environ 5000 images, 6000 images à voir. D'accord. Donc, mais drames familiaux, pas trop. Ouais. Les braquages. Ouais, braquages. Comment tu envisages d'utiliser ça ? Je pense pour. Pour faire imaginer ce qui se cache derrière l'histoire, c'est-à-dire lire le polar. Ouais, le polar, lire l'image. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé dans cette image ? Et c'est parti. On raconte une histoire et qui aura probablement rien à voir avec la réalité, quoi. La réalité, justement, dans ce fond Sisfi, on a la chance de la connaître par la presse, puisque par l'article qui accompagne la photo. Donc la réalité, on la connaît. Et je sais pas, tu parlais de polar, c'est peut-être des photos tout appropriées pour ce genre d'exercice. C'est un polar qui pourrait se construire sous la forme d'un roman photo, par exemple ou... Alors, pas un roman photo, je pense pas. C'est un format qu'on envisage, mais je pense qu'on ira plus vers une histoire en photo. où il y aura à chaque fois, sous chaque image, il y aura une légende qui fait que le cheminement de l'histoire continue, le récit avance. Mais le roman photo est envisagé aussi à voir ce qui plaît le plus aux élèves au moment de le faire, quoi. Et en ce qui concerne l'actualité politique, Les images sont passées ou pas ? Oui, c'est juste les images sont pas intéressantes du tout parce que c'est des réunions, c'est des images de des portraits d'hommes, d'hommes que d'hommes assis à des chaises et à des pupitres en train de parler. Enfin, voilà, c'est vraiment pas intéressant. Après, il y en a beaucoup. Oui, ça, c'est beaucoup. Sûr, il y en a beaucoup. Ouais. Mais ce qui serait plus intéressant, c'est l'article qui va avec, en tout cas. Et j'imagine que ces élèves du collège sont sans doute aussi intéressés par les très, très nombreuses photographies illustrant les articles sportifs. Oui. Et bien, ça, il y en a beaucoup. Et il y en a des vraiment chouettes. Ah oui. Y a vraiment beaucoup de sports différents. Sachant que on n'aura pas accès aux photos de la SSE. Donc ça enlève quand même une grosse partie. Pourquoi ? Parce que c'est les photos de la SSE. Elles sont réservées. À part. Et donc on n'a pas le droit de les utiliser. Non. Sauf à payer très cher. Elles ne font pas partie du... Ah oui. Bon. Voilà. Mais bon, il y a de quoi faire. Hein. Y a des courses de l'effrayer, y a de l'athlétisme avec des chutes incroyables. Enfin, y a plein de choses. Il y a des courses qui mêlent moto et équitation en même temps. Ouais. Voilà, y a plein de choses possibles. Bien. Caroline, toi, tu connais le fond. Je le connais, oui. Est-ce que toi, il y a des photographies qui te semblent particulièrement emblématiques ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont frappé ? C'est un fond qu'on utilise régulièrement, puisqu'il raconte l'histoire des Stéphanois au quotidien. C'est un fond que j'ai souvent parcouru, souvent utilisé avec les scolaires. Qui est facilement utilisable, justement. Enfin, moi, je l'utilise en tant qu'historienne, donc je ne vais jamais faire raconter à des photos des choses qu'elles ne disent pas. J'utilise ce fond avec l'article qui correspond aux photos. Contrairement à Kenya, je n'ai jamais essayé de... Même si la démarche de Kenya ressemble beaucoup à une démarche d'historien, pour moi, l'idée de ces photos, enfin jusqu'à présent, mais Kenya va me démontrer le contraire pendant les ateliers, c'est d'illustrer des faits historiques avec toute la prudence. Je pense que c'est effectivement, ça illustre, mais la photographie, comme l'a dit Kenya au début, c'est aussi, elle a une histoire en elle-même, elle raconte quelque chose de... qui est au-delà presque de ce qu'il y a dans l'article. Enfin, je sais pas, il y a la composition, le cadrage, tout ce qu'a fait tout ce qu'a décidé là. Il y a une question qui me préoccupe, puisque la période c'est 72-95. Je pense 72 c'est l'époque du procès de Bobigny. Est-ce qu'il y a aussi des choses sur les luttes des femmes, j'imagine, sur les luttes pour le... Non, j'ai pas trouvé. Là, comme ça, je n'en vois pas. Non. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est pas envisagé de... Si, en tout cas, dans le fond, il n'y a pas eu... Parce qu'il y a eu des mobilisations à Saint-Étienne. Ouais. Des mouvements... Il doit y avoir des photos de manifestations. C'est toujours pareil, des photos de manifestations. C'est des photos de manifestations, ouais. Ou alors des réunions, mais là, cette fois-ci, ce serait des femmes plutôt. mais c'est vrai que c'est pas... Alors, moi, j'ai accès aux images. Pour l'instant, pour les 14 000 images, j'ai pas encore été voir les 14 000 articles. bon courage. Et du coup, j'ai pas toujours. Alors, j'ai une petite phrase qui explique dans quel article à quel article appartient l'image, mais pas plus. Et donc, des fois, c'est très obscur. Il y a un gros travail qui a été fait quand le fond est arrivé aux archives. En fait, à l'époque, les collègues allaient chercher dans les journaux l'article qui correspondait à la photo et utilisait le titre de l'article comme légende pour la photo. Et donc, si on n'a pas la référence pour un titre, c'est possible qu'il y ait des images. Il n'y a pas la date. Ce que Kenya ne sait pas encore, c'est qu'on a un petit fichier qui explique tout ça. Un petit fichier secret qu'on va lui donner. Il n'y a pas, comme dans le fond, le Ponce, des erreurs de date, des erreurs de légende, parce que ça arrive. Ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver, effectivement. Ouais. Et donc. On espère le moins possible. Il a été question, c'est Caroline qui l'a évoqué, mais je vais poser la question à Kenya, de la fin de la résidence, c'est-à-dire d'une restitution dans le cadre de la semaine de la presse. Oui, la Est-ce semaine de la presse déjà, à l'école. Tu as déjà réfléchi à ça? Comment ça va se passer? Absolument pas. Non, pas non, non, parce que je sais... Alors, l'idée, c'est de présenter tous les travaux de tous les groupes. Et que eux aussi puissent venir présenter leurs travaux aux autres groupes, etc. Ouais. Et comme je ne sais pas ce qu'on va faire, d'accord, je ne peux pas du tout savoir. Ma question, elle avait trait plutôt au fait de savoir si c'était uniquement les établissements scolaires dans lesquels tu vas être qui seront concernés, ou est-ce que vous allez impliquer tous les établissements scolaires de la métropole d'une façon ou d'une autre? Alors, a priori, la restitution, elle sera publique. Oui. C'est-à-dire que les travaux qui seront présentés seront les travaux des groupes qui auront travaillé avec Kenya, mais la restitution sera publique et chacun pourra venir... elle sera... Alors, en principe, la restitution... ça sera plus chez nous. Ouais, ça sera plus chez nous, ça sera plus aux archives. La médiathèque, alors. En théorie, la restitution sera accueillie à la médiathèque. D'accord. Tout un chacun pourra venir voir le résultat de cette résidence. Et puis on peut ajouter aussi que la résidence sera accompagnée d'une programmation sur laquelle on a commencé à travailler et qui sera en ligne sur notre site au fil des mois. Mmh. C'est un peu tôt pour l'instant pour donner des dates d'événements très précises, mais on y travaille avec nos partenaires. On a notamment, je pense, à la librairie des Croquis-Notes comme partenaire. Ah oui, on n'a pas parlé de la librairie des Croquis-Notes. Voilà. Qui accueillera... Quel rôle elle joue dans cette affaire? A priori, elle va accueillir un groupe, sans doute un groupe de Solor. Oui, de Solor, deux centres sociaux. Plusieurs centres sociaux, oui. Centre social du Babet aussi. Ouais. Pour faire venir des groupes de cafés parents, donc c'est principalement des mamans, encore une fois, pour qu'on parle des médias, des fake news, du complotisme, enfin de sujets assez larges, en se basant sur des livres qui existent, des ouvrages qui existent, donc des BD ou des ouvrages jeunesse qui seront présentés par la librairie, et ça leur permet de faire venir les publics dans des lieux qu'ils n'ont pas l'habitude de fréquenter et d'être dans un environnement assez cosy finalement pour aborder ce genre de questions, quoi. Oui, là. Tu nous rappelles, Caroline, la librairie des Croquis-Notes, c'est rue de la Résistance. Rue de la Résistance, c'est oui. Ça, d'accord. Une question aussi, on a parlé de la médiathèque. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu avec la cinémathèque? Alors, c'est en cours de préparation. On espère bien faire quelque chose avec la cinémathèque, notamment autour du cinéma éducateur. Parce que la cinémathèque a fait un gros travail, justement, de lien entre... Je pense au travail de Vincent Sabot et autour de la presse des années 30, du ciné-presse. Donc pour ça, peut-être ça pouvait les intéresser. On les a comptés. D'accord. Bon. On les a comptés parmi nos partenaires privilégiés. On va faire une dernière pause. Où est ma petite amie? Elle est dans mon Rolleiflex. Je le regarde perplexe. Dois-je le foutre aux orties? Où est ma petite amie? Elle est dans mon Rolleiflex. C'était mon premier réflexe. J'aime la photographie. je revois la petite chérie posant pour mon relais flex. Un petit machin en lastex lui donnait un peu d'esprit. Où est ma petite amie? Elle est dans mon relais flex. J'y ai filé des complexes. Elle a filé cette nuit. Où est ma petite amie? Elle est dans mon relais flex. Faut connaître le contexte, le pourquoi et le pour qui. Le relais flex, qui était l'appareil fétiche de Willy Ronis. Et donc, nous sommes sur l'émission de Dugrémousse à Radio Dio 89.5 et avec Caroline et Kenya. Je ne me trompe pas sur le prénom. Donc, nous avons consacré cette émission à parler de cette résidence de Kenya Sadoun aux archives municipales et à la médiathèque de Saint-Étienne. Caroline, tu nous fais un petit peu une synthèse de tout ce que nous avons dit là, les auditeurs. Merci. Nous sommes très contents d'accueillir Kenya jusqu'au mois d'avril et on a déjà commencé à travailler ensemble et je suis sûre que la résidence aura beaucoup de succès. Pour nous, l'objectif, eh bien, c'est toujours de valoriser ce fonds iconographique de la tribune. Qu'on conserve précieusement aux archives depuis de nombreuses années. L'idée aussi, c'était évidemment d'entrer dans une démarche d'éducation aux médias et à l'information pour un public très varié, puisque Kenya nous l'a montré, hein, on touche pratiquement un public qui va de 9 à 99 ans dans les écoles, dans les centres sociaux, dans les associations de Saint-Étienne et plus largement de la métropole. Et on aura tout autour de cette résidence une programmation que vous pourrez retrouver en temps et en heure sur le site des archives municipales et métropolitaines. Bien, merci Caroline, merci Kenya. Merci nous, à vous. On souhaite le plus grand succès à cette entreprise et au fait que les quartiers de Saint-Étienne et de la métropole vont profiter de la présence et de cette action autour de la photographie et du fonds que possèdent les archives municipales. Oui, Karine Avant l'agenda, je vais rappeler que Kenya sera en résidence donc aux archives municipales de Saint-Étienne jusqu'au mois de mars. Voilà, au mois de mars prochain. On peut retrouver toutes les informations, tu l'as dit tout à l'heure Caroline, sur le site internet des archives de la ville de Saint-Étienne qui sera mise à jour petit à petit. Et puis voilà, on va commencer l'agenda, donc je te laisse la parole Jean-Michel. Voilà, puisqu'il était question de photographie, il me semblait judicieux d'annoncer que du 3 au 25 novembre, l'atelier photographie de Saint-Priest-en-Jarret présentera à la galerie Jean Jaurès à Saint-Étienne. Je rappelle qu'elle est située rue Garnier et que c'est la première bourse du travail de Saint-Étienne. Son exposition d'automne réalisée en collaboration avec le photographe Bernard Tosselli. Et le vernissage aura lieu le mercredi 15 novembre à 18h et, je rappelle, l'exposition du 3 au 25 novembre. Ensuite, donc, le Grémos vous donne rendez-vous le jeudi 23 novembre à 19h à la Maison du patrimoine et des lettres de Saint-Étienne pour une conférence de Maurice Bedouin intitulée « L'habitat ouvrier fait-il encore partie de nos paysages ?» Donc, la maison Chamoncel qui est juste en face de la grande église, c'est ça ? Tout à fait. Ah. Alors, d'autre part, l'association Assa Azeka, donc, qui est présidée par Sakina Baka, qui a intervenu plusieurs fois avec le Grémos, organisera plusieurs rencontres à la maison du Cré de Roc en cette fin d'année. La première aura lieu le mercredi 15 novembre avec Mourad Benchelali, qui parlera de son parcours depuis les camps d'entraînement terroristes d'Al-Qaïda jusqu'à son engagement auprès des jeunes, dans la prévention face à la radicalisation, en passant par ses incarcérations, dans les prisons de Guantanamo et de Fleury-Mérogis. Alors la deuxième rencontre aura lieu le samedi 25 novembre à 15h avec Maître Nadia Aïdzaï, donc qui est spécialiste du droit des enfants, de la femme, de la famille. Et donc cette avocate engagée, qui est militante des causes justes, présentera son parcours et ses travaux. Oui, et engagée notamment pour le droit, la défense du droit des femmes en Algérie. C'est ça. Hein, c'est ça. Et le mercredi 6 décembre à 18h, toujours à la maison du Crêne Rock, vous pourrez rencontrer l'acteur, réalisateur et producteur Mehdi Sennoussi, engagé contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Il se mobilise pour une société de justice et de paix. Vous pourrez le découvrir et échanger avec lui sur son parcours hors normes. Voilà pour cet agenda. Pour conclure, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission du Grémos qui aura lieu le mercredi 13 décembre à 17h. Nous recevrons l'historien et géographe Maurice Bedouin ainsi que Grégory Charbonnier, responsable du service Pays d'art et d'histoire de Saint-Étienne Métropole. Et ils nous parleront du logement ouvrier. Bye bye et belle soirée sur Dio.